tu veux être mon ami. Être mon ami. Quand je t'ai rencontré dans la rue, je me suis dit que je n'avais jamais vu, jamais de ma vie, une fille aussi, aussi jolie que toi, que toi. Hey, hey baby, est-ce que tu veux être mon ami? Quelle tête tu faisais quand je t'ai apporté? Tu as rougi et puis tu t'es sauvé juste au moment où je te disais hey, hey baby, est-ce que tu veux être mon ami? Mais je t'ai couru après et je t'ai rattrapé, tout essoufflé, alors tu m'as souri et tu m'as dit oui quand je t'ai dit hey, baby, est-ce que tu veux être mon ami? Hey,